Chapitre 3e, le nouveau maître de Lesselwood Park. 6 mois se sont écoulés depuis le retour de l'officier indien, et un furieux vent de mars fait plier les branches des chênes dans les magnifiques allées de Lesselwood Park. C'est un noble et vaste domaine que cet héritage seigneurial de Lesselwood. Au loin, sur les coteaux de Sussex, s'étendent les vastes terres dont le jeune baronnet est propriétaire. Derrière les sinuosités arides et nues qui couronnent la vaste plaine, il y a bien des maisons aisées et des fermes considérables, dans lesquelles le loyer est mis de côté, après la rentrée des foins ou des moissons, la tonte des moutons ou le grillage des porcs, pour payer le semestre dû à Sir Rupert Lessel, baronnet. Vous pouvez courir pendant des milles à travers les sentiers couverts de la campagne, les grandes routes plates et blanches, à travers les bois de sapin bas et rabougris, à travers de petits villages si bien abrités, qu'en les regardant du haut des collines, on y plonge comme dans un puits. Tout cela lui appartient. Demandez, n'importe où, quel est le propriétaire de ce chemin ombragé de noisetiers et de roses sauvages, de cette plaine fertile qu'on aperçoit derrière les haies de la route, ou de ce petit amas de cottages entremêlés. Demandez-le à n'importe qui, on vous répondra immanquablement, c'est à Sir Rupert Lessel. Si vous vous arrêtez pour vous rafraîchir à quelque auberge du village, vous n'avez qu'à lever les yeux sur l'enseigne rustique qui se balance sous le soleil d'été pour lire « Aux armes de Lessel » ou « À la couronne du baronnet » ou « À Sir Rupert Lessel ». Si en flânant vous regardez le fermier qui dirige ou aide ses travailleurs au sommet d'une meule de foin ou à la porte de sa grange, l'homme que vous regardez est sans aucun doute un des tenanciers de Sir Rupert. Le nom de Lessel est aussi vieux dans le comté que la bataille de Hastings elle-même, car à cette terrible bataille, Oscar, seigneur de Lessel, avait commandé une compagnie de braves arbalétriers contre les forces du Saxon Harold. Les parchemins et les titres du petit baronnet de 7 ans auraient couvert la plus longue avenue de Lesselwood Park si on les avait déroulés dans toute leur longueur. L'église de Lesselwood était remplie des trophées et des monuments de cette ancienne race. Des bannières prises à Crécy, à Harfleur et à Flodden pendaient en loques sur les portées des chevaliers et des soldats dont les cendres reposaient sous les dalles du chœur. Dans la sacristie actuelle de l'église, qui a été autrefois la chapelle de la famille de Lessel, le révérend ministre accroche son surplis à des monuments dont les sculptures sont d'une valeur inappréciable. Vous pouvez regarder partout dans la vieille église. Le nom de Lessel frappera vos yeux. En latin tronqué sur les murs couverts d'inscriptions, en lettres d'or ternies sous l'orgue offert par le grand-père du baronnet actuel, en vieux caractères au-dessus du porche, où une fois par semaine, on fait des distributions de pain aux pauvres de Lesselwood par suite d'un legs du 6e baronnet. Il était étrange, après avoir contemplé ces vivants souvenirs de cet ancien nom, après avoir vu ces preuves matérielles de la grandeur et de la richesse de la maison de Lessel, de rentrer à Lesselwood Park et de trouver le seul possesseur de ces propriétés si vastes et si importantes joué machinalement dans le jardin, le visage pâle, maladif, dans une attitude pleine de langueur et d'indécision. Le capitaine des arbalétriers normands, le puissant oppresseur des Saxons, le vainqueur de Crécy et de Flodden, les nobles royalistes qui avaient combattu sous Rupert du Rhin, les braves gentilshommes qui avaient vaincu le superbe fils de Lucy Waters à Marston Moor, tous ces hommes forts et courageux n'avaient-ils laissé que ce faible petit enfant aux cheveux blonds pour hériter de leur richesse et de leur gloire? Il semblait que le seul poids de ce vaste héritage devait écraser et anéantir ce chétif orphelin. Il y avait quelque chose de sinistre et de surnaturel dans sa splendeur solitaire. Il n'avait ni un frère plus jeune que lui qui pût lui en réclamer une portion, ni aucun parent besogneux pour prendre part à son immense fortune. Les biens de sa mère devaient être ajoutés au jour à tous ceux dont il avait hérité de son père. Séparé du monde extérieur et de ses semblables qui souffraient et luttaient, il semblait languir sous le poids de sa grandeur et souffrir de ce surcroît de prospérité. Mais le vent de mars ébranle les branches nues des chênes de Lesselwood Park, et Lady Lessel, aujourd'hui Mrs. Arthur Walsingham, était attendue du continent où elle était allée faire un voyage après la célébration de son mariage avec l'officier indien. Une matinée triste et froide avait revu les enfants du village rangés une fois encore le long du chemin qui conduit à l'église. Mais cette fois, il n'y avait pas eu de fleurs répandues sous les pieds de la fiancée, car l'hiver avait été excessivement rude, et on n'avait pu trouver une seule boule de neige ou un seul crocus dans les jardins de Littlewood. Par cette matinée du commencement de février, le vent glacé avait sifflé dans les plis de la robe de soie de la mariée et soulevé la chevelure noire de la tête découverte du marié. Les dents du recteur avaient claqué pendant qu'il lisait le service sacré. Une pluie pénétrante avait fait entendre sur les fenêtres un tapotement qui couvrait les accents monotones de la voix du recteur, et la main de la mariée avait tremblé si fort au froid humide de la sacristie qu'elle avait à peine pu diriger sa plume pour signer son nom sur le registre de la paroisse. Il n'y avait pas eu d'invité à ce mariage célébré en plein hiver. Le notaire de Lady Lissel l'avait quitté, et personne des environs n'avait été invité à prendre part à la cérémonie. La voiture de Lady Lissel avait attendu à la porte du cimetière pour conduire les nouveaux mariés à une station du chemin de fer située à plusieurs milles de Littlewood, d'où ils devaient se rendre à Douvres, et de là partir pour faire une tournée à l'étranger. Claribel Lissel avait paru honteuse d'épouser l'ancien adorateur qu'elle avait jadis repoussé. Elle avait semblé bien aise de voir terminer cette cérémonie et de fuir le village où elle était si bien connue. Elle était tombée sur la dalle froide de la sacristie et elle avait pris le petit baronnet dans ses bras en le pressant vivement sur son cœur. C'était la première fois de sa vie qu'elle avait donné en public des signes d'une émotion quelconque, et cette sensibilité inaccoutumée avait fait ouvrir de grands yeux à tous ceux qui étaient présents. « Ai-je bien agi envers toi, mon cher Robert ? » s'était-elle écriée. « T'ai-je fait tort, mon cher enfant, par ce mariage ?» Le capitaine avait pendant ce temps tourné le dos à la mère et au fils et regardait vaguement par la fenêtre de la sacristie où les enfants tout grelottants avaient attendu pour voir la mariée. « Êtes-vous prête, Lady Lissel ? » avait-il dit après un moment de silence. Elle ne lui avait pas répondu, mais elle avait renvoyé doucement l'enfant et l'avait suivi longtemps et avidement du regard lorsqu'il était sorti de la sacristie avec sa gouvernante pour entrer à Littlewood Park. Elle avait entendu s'éloigner la voiture qui emmenait l'enfant et sa gouvernante. Ensuite, prenant le bras du capitaine, elle avait dit adieu au recteur et était sortie de l'église. Les enfants du village avaient remarqué son visage pâle, ses yeux pleins de larmes et ses longs cheveux blonds mouillés par la pluie et mis en désordre par le vent glacé. Ils avaient vu aussi que le visage de l'officier indien était encore plus pâle que celui de sa fiancée et que sa main tremblait quand il avait soulevé le petit loquet de la porte du cimetière. Les 6 semaines de voyage étaient passées, et on attendait à toute heure les mariés. Des feux flambaient dans toutes les chambres de Littlewood. La maison avait été meublée et décorée de neuf à l'époque du mariage de Sir Reginald avec la riche Claribel Merton. Les vieilles boiseries en chêne, qui dataient du règne d'un des premiers Henri, avaient été repolies et relevées par des moulures dorées et des armoires coloriées. Des consoles finement ciselées en or, en bronze, en ébène, en argent et en acier brillaient devant des miroirs ovales, entourés de bordures d'un travail merveilleux. La grande bibliothèque, entièrement meublée en chêne brun et or, était éclairée par des fenêtres en ogive à vitraux. Les cadres de tous les portraits qui ornaient les 2 immenses escaliers qui partaient de chaque côté du grand vestibule et se rejoignaient sur un vaste palier se déployant en 2 galeries qui ouvraient sur toute la longueur de la maison avaient été redorées et les peintures elles-mêmes nettoyées et restaurées. Le grand salon avait été meublé dans le goût moderne. Les tentures étaient de soie blanche, relevées avec des franges d'un ton rosé extrêmement délicat. Les murs étaient d'un ton jaune très pâle et les corniches et les moulures blancs d'argent. Le tapis avait un fond blanc sur lequel étaient semés çà et là des boutons de rose à demi ouverts. Les canapés et les fauteuils splendides étaient recouverts de la même étoffe de soie blanche que les rideaux et étaient garnis de franges d'or. Leur bois était blanc et si poli qu'il ressemblait à de l'ivoire. Ils roulaient sans bruit sous la main, quelque légèrement qu'on les touchât, presque sans effleurer le velours du tapis semé de boutons de rose. Ce salon communiquait avec un autre plus petit, tendu d'étoffe vert pomme, sur lequel donnait un escalier réservé conduisant aux appartements de Lady Lissel, qui était séparé du reste de la maison par un corridor étroit. La salle à manger était meublée en chêne moderne, mais sculptée à l'antique. Il y avait des rideaux en velours vert et un tapis de Turquie de même couleur. Les murs, comme ceux de l'escalier et des galeries, étaient couverts de peintures de maîtres italiens et des portraits de la maison de Lissel. Les flammes du foyer éclairaient les murs des chambres. Les bougies placées dans des lustres d'argent et de cristal se multipliaient à l'infini dans les miroirs qui les réfléchissaient. Tous ces lustres étaient allumés pour fêter le retour de Mr. et Mrs. Walsingham. le linge blanc comme la neige, l'argenterie brillante et les rangs surtout dorés étalés sur les buffets antiques de la salle à manger, la luxueuse chambre à coucher avec ses rideaux de velours violet doublés de satin blanc, le cabinet de toilette avec ses glaces et ses porcelaines d'un prix inestimable, rendu inaccessible par de doubles fenêtres à toute brise un peu froide du printemps, les épais tapis d'Axminster, les domestiques bien dressés, à la voix sourde, aux pieds légers, à la main habile et aux manières pleines de déférence, les vins coûteux enfouis dans des soirs fraîchis en argent, les mets délicats préparés sous la direction d'un habile cuisinier français, tout ce luxe, toutes ces lumières, ces richesses, ces splendeurs et ce confort étaient préparés pour le plaisir de l'officier indien qui avait envoyé son grade de capitaine à tous les diables, très peu de gens pouvaient dire pourquoi, qui, il y avait peu de temps encore, était pauvre et sans amis, dont les relations n'étaient pas bien connues de la femme qu'il avait épousée, et qui, malgré tout, avait eu la bonne fortune, comme disaient les gens de Lesselwood, de tomber comme des nus dans le giron de la fortune et du bien-être. Considérons le beau soldat assis à table en face de sa femme. Il ne paraît pas très heureux au milieu de sa grandeur. Il roule le pied fragile de sa coupe à champagne dans sa main vigoureuse, pendant que les brillantes bulles de vin étincelant viennent se fondre une à une. Il avait bu une grande quantité de vin de Manère ou de Moselle, mais ces vins généreux n'avaient ni délié sa langue, ni éclairé son visage. Il est bien changé depuis le temps où il s'asseyait sur les bancs de l'église de Lesselwood, en regardant fièrement Claribel Merton. Il semble presque que cette nature fière et ardente, généreuse et insouciante, se soit consumée sous le soleil indien, et qu'il n'en reste plus que les cendres. Claribel n'a presque pas changé depuis sa jeunesse. Sa délicate beauté n'a rien perdu de la pureté de ses teintes transparentes. Ses yeux bleus sont tout aussi brillants qu'ils l'étaient il y a 8 ans. Elle est un peu plus femme, et ses épaisses soieries et ses dentelles de prix font entendre un léger bruit pendant qu'elle s'avance lentement à travers les chambres resplendissantes. « Claribel !» dit le capitaine alors qu'ils sont seuls devant le feu du salon. « Claribel, je meurs de votre richesse et de votre grandeur. « Capitaine Walsingham !»« Ah, naturellement, vous ne me comprenez pas. C'est une chose si généralement admise qu'un homme épouse une femme riche pour son argent, que je dois accepter ma situation sans me plaindre de ce que bien des hommes meilleurs ont accepté avant moi. Mais, Claribel, je vous dis que je meurs sous le poids de cette splendeur extravagante. J'étouffe dans ces chambres étincelantes. Il me faut ma caserne et ma liberté, ma pipe, mon brosseur, après lequel je puisse jurer ce que je n'ose faire avec vos valets qui portent la livrée de mon rival. Il me faut mes cartes, avec lesquelles je suis resté assis bien souvent jusqu'à ce que les étoiles eussent disparu derrière les toits de Calcutta. M'aider, tout, enfin, excepté cette prison dorée et moelleuse. C'est dans cette maison que j'ai souffert la première fièvre de ma vie, Claribel. Et si cette chambre n'avait pas été remeublée pour votre mariage, je pourrais vous montrer la chaise que j'ai saisie pour la jeter à la tête de Sir Reginald, le soir où j'ai appris qu'il m'avait supplanté. « Et le frappa de vous ?» demanda Mrs. Walsingham avec la curiosité d'une pensionnaire. « Non. Les hommes ne se frappent jamais dans un salon rempli de monde. Il y a toujours quelqu'un pour dire « Walsingham, ne soyez pas ridicule. » Ou bien « Les seuls, à quoi pensez-vous » « Non. On nous sépara comme on sépare 2 enfants qui se battent dans la rue et je lui envoyai un cartel le lendemain matin. » Elle prenait un plaisir enfantin à entendre les détails de cette vieille querelle. Mais le capitaine ne pouvait guère parler de ses anciennes blessures sans éprouver une torture pénible. Si l'esprit de Reginald Lessel pouvait hanter cette chambre et me voir assez à ce foyer, Claribel. Elle regarda la porte en frissonnant, pendant que son mari lui parlait ainsi, comme si elle se fût presque attendue à la voir s'ouvrir sous la main de son défunt mari. Arthur, vous et Sir Reginald fûtes amis un jour. Vous serez bon pour son fils, n'est-ce pas? Vous ferez cela pour moi. La fortune peut lui attirer de faux amis et de mauvais conseillers. Il n'a pas de proches parents. Le plus proche est l'homme qui hériterait de sa fortune et de ses titres s'il venait à mourir sans enfant. Je puis ne pas vivre pour le voir grandir. Il est d'une faible santé et, à ce qu'on dit, d'une faible intelligence. Il sera en votre pouvoir d'être son ami ou son ennemi. Vous serez bon pour lui, Arthur, n'est-ce pas? Aussi vrai que j'espère jouir de votre amour. Oui, Claribel, je ne suis ni bon ni sage, mais je ferai mon devoir envers votre fils, Sir Rupert Lessel.